Kratos, le 7-4 à la prod. Baby, tu me parraines, ma team n'a pas de pareil. C'est l'hymne de mon arène, on est là, refixez vos barèmes. C'est que de la taille, y'a rien de banal, man. Nouveau cartel et ceux qui testent, ils crèveront one par one. 9-3 Vesta, je te le rappelle. On a le mental et elle mange dans notre panel. ADL, plus qu'une histoire, c'est une légende. S'il faut qu'on tire, on vise la tête et pas les jambes. La rue nous a guidés, moi et mes potos. Le rap français, on l'a squatté de deux depuis le berceau, gros. Freiner notre lancée serait dur pour vos égos. DDDDDR, trop choquant. Fais pousser la fente et monte le chant dans ta sono. Hey gros, c'est ADL, c'est actuel, c'est le label. Les jaloux vont en baver car on a le level. ADN, nouvelle équipe, dit dispo. Du sac, toujours ghetto et pas disco. Ils disent que on n'a pas de disque. Mais attends, ça arrive juste après les stickers. Promo complète, en mode chronomètre. C'est chaud. Y'a le thermomètre venu même être un thermomètre. Des thèmes sortis de la tête, les jaloux disent qu'on se la pète. Or, net, n'aime pas la défaite. Le beat, tu me parraines, ma team n'a pas de pareil. C'est l'hymne de mon arène, on est là, refixez vos barèmes. C'est que de la taille, y'a rien de banal, man. Nouveau cartel et ceux qui testent, ils crèveront one par one. 9-3 Vesta, je te le rappelle. On a le mental et elle mange dans notre panel. ADL, plus qu'une histoire, c'est une légende. S'il faut qu'on tire, on vise la tête et pas les jambes. Nique les jaloux, les patards, les tarlouses. Je mentirais si je dis qu'ADL, c'est pas lourd. La rime est sanglante, on ne fait pas semblant. F-Rolon, Gigi, dis-nous qu'est-ce t'en penses. ORJ, dans la place, on a trop la classe. On fait trop mal, même quand on clash. C'est une légende dans l'arène, on est imbattable. Va leur dire à tous ces bâtards. Écoutez, kiff, poteau, t'auras pas de regret. En mode progrès, approche-toi, mais pas trop près. Quand je rappe, change ton mic, je le crame au premier degré. Pas ton blague, Rino attaque en premier. Hélas, là, c'est là, je laisse mon flow pour la thèse. Et là, c'est la reine, et gros, tu te rabaisse. On te fait mal, a.k.a. rappeur animal. Hannibal, rappeur, ADL, talent maximal. Le beat, tu me parraines, ma team n'a pas de pareil. C'est l'hymne de mon arène, on est là, refixez vos barèmes. C'est que de la taille, y'a rien de banal, man. Nouveau cartel. Et ceux qui testent, ils crèveront one par one. 9-3 Vesta, je te le rappelle. On a le mental et elle mange dans notre panel. ADL, plus qu'une histoire, c'est une légende. S'il faut qu'on tire, on vise la tête et pas les jambes. Par habitude, j'kiffe les folles, les MC foutu. Un fou fourré dans l'arène, infatigable, impérissable. Faire d'être infâme, va faible, qu'est-ce t'as, casse-toi. Tu me braques, t'as rien de ghetto, toi. Équipé, ton gros et le mien, c'est pas équitable. Obscur comme Anakin, on tacle dur comme à la canne. Kidnappe le game, ADL gang, doudou sa king. Victime, respire, si c'est la fin, j'remets le début. Reviens les gens, ADL, les gens d'urbaine, frère. Style à l'aise, 93, plaqué sur les gens. Style dégoûté d'un clic en train de me guetter. J'vais claquer le garde au gars gâter les dingues, les ghettos. Style blesse, plus d'une caisse, à cramer my godness. Altesse en jazz, t'es déclassé. Style en détresse, mais séquence test. Bref, posez les compresses, t'as en direct de la thèse. Le beat, tu me parraines, ma team n'a pas de pareil. C'est l'hymne de mon arène, on est là, refixez vos barèmes. C'est que de la taille, y'a rien de banal, man. Nouveau cartel et ceux qui testent, ils crèveront one par one. 9-3 Vesta, je te le rappelle. On a le mental et elle mange dans notre panel. ADL, plus qu'une histoire, c'est une légende. S'il faut qu'on tire, on vise la tête et pas les jambes. La reine des légendes, le combat continue. J'écris à l'encre de sang notre histoire dans nos rues. À concevant pas notre peau. Avant tous nous avoir tués, c'est en touchant, on est tous touchés. ADL, légendaire armée. Je fais un improvise sans savoir ce qui se passe demain. On percera, on percera pas, de toute manière, c'est le destin. Mental fort comme du glacier, sang chaud comme du brasier. On a le style au style d'un hostile qui gonne sec comme de l'acier. Je rappe avec un flow. Avec un flot de hooligans, rares sont les MC qui nous détrônent sur l'instrumental. ADL qui crame la salle, c'est manger la dalle, le beat je dame sale. Bang bang, on a le style qui flingue, arène des légendes, putain ça devient dingue. On te balance le projet en pleine figure. ADL, DJ Tox, 9-7-4 à la prod. Le beat tu me parraines, ma team n'a pas de pareil. C'est l'hymne de mon arène, on est là, refixez vos barèmes. C'est que de la taille, y'a rien de banal, man. Nouveau cartel et ceux qui testent, ils crèveront one par one. 9-3 Vesta, je te le rappelle. On a le mental et elle mange dans notre panel. ADL, plus qu'une histoire, c'est une légende. S'il faut qu'on tire, on vise la tête et pas les jambes. Le beat, tu me parraines, ma team n'a pas de pareil. C'est l'hymne de mon arène, on est là, refixez vos barèmes. C'est que de la taille, y'a rien de banal, man. Nouveau cartel et ceux qui testent, ils crèveront one par one. 9-3 Vesta, je te le rappelle. On a le mental et elle mange dans notre panel. ADL, plus qu'une histoire, c'est une légende. S'il faut qu'on tire, on vise la tête et pas les jambes.